Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, à nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, faisons monter, monter, parfum de louange. Je vais parler à une jeune fille. Écoute-moi bien, tu as besoin de te marier, mais le critère que tu dois le plus considérer, c'est la spiritualité. Ne regarde pas aux avantages matériels, tu risques de te tromper. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Tu dois chercher quelqu'un qui a la crainte de Dieu d'abord. Réveille-toi, nous allons prier. Réveille-toi, toi qui es marié. Réveille ta femme, réveille ton mari. Nous sommes à OSB, opération sur la brèche. Aujourd'hui, nous allons prier avec le psaume 41. Chaque matin, je me lève. Je prie avec OSB. Chaque matin, moi, je prie. Je prie avec OSB. Lisons le psaume 41. Au chef des chantres, psaume de David. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel le délivre. L'Éternel le garde et lui conserve la vie. Il est heureux sur la terre, et tu ne les livres pas au bon plaisir de ses ennemis. L'Éternel le soutient sur son lit des douleurs. Tu les soulages dans toutes ses maladies. J'ai dit, Éternel, aie pitié de moi, guéris mon âme, car j'ai péché contre toi. Mes ennemis disent méchamment de moi, quand mourra-t-il? Quand périra son nom? Si quelqu'un vient me voir, il prend un langage faux. Il requiert des sujets de me dire. Il s'en va et il parle au dehors. Tous mes ennemis chuchotent entre eux contre moi. Ils pensent que mon malheur causera ma ruine. Il est dangereusement atteint. Le voilà couché. Il ne se relèvera pas. Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève les talons contre moi. Toi, Éternel, aie pitié de moi et rétablis-moi et je leur rendrai ce qui leur est dû. Je connaîtrai que tu m'aimes. Si mon ennemi ne triomphe pas de moi, tu m'as soutenu à cause de mon intégrité et tu m'as placé pour toujours en ta présence. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité. Amen. Amen. Nous allons partager trois vérités tirées de ce psaume. Voici la première vérité. Dieu soutient et bénit celui qui s'intéresse aux pauvres. Je veux parler à quelqu'un. Mon ami, tu as la grâce d'avoir un boulot où tu es rémunéré. Tu es même véhiculé, mais tu dois penser aussi aux nécessités. Tu dois penser aux indigents. Tu dois penser aux orphelins, aux veuves. Dieu bénit ceux qui s'intéressent aux pauvres. David se rappelle de l'un des devoirs du roi, celui d'assister et de rendre justice aux pauvres. Il dit au verset 2, « Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres, au jour du malheur, l'Éternel les délivre. » Il a personnellement joué ce rôle pendant son règne. C'est pourquoi il s'estime heureux. Chacun de nous en tant que croyant est appelé à assister les pauvres et l'indigent. Nous pouvons le faire en les assistant matériellement et financièrement, selon Deutéronome 15, 7 à 11. Dans l'église primitive, il n'y avait aucun indigent, car tous ceux qui possédaient des champs et des maisons les vendaient, apportaient les prix de ce qu'ils avaient vendu et les déposaient aux pieds des apôtres. Ces derniers faisaient des distributions selon les besoins de chacun. Vous trouvez ça dans Actes 4, 34 à 35. Posons-nous cette question. Comment assistons-nous les nécessités aujourd'hui? David montre dans ce psaume les bienfaits que Dieu accorde à celui qui s'intéresse aux pauvres. Il y a cinq bienfaits. Premièrement, Dieu les délivre au jour du malheur. Verset 2. Deuxièmement, Dieu les garde et lui conserve la vie. Verset 3. Troisièmement, Dieu les rend heureux sur la terre. Verset 3 toujours. Quatrièmement, Dieu ne les livre pas à ses ennemis. Verset 3 toujours. Et enfin, cinquièmement, Dieu les soulage et les soutient lorsqu'il est malade. Verset 4. Deuxième vérité, lorsque nous sommes malades, implorons la miséricorde divine et son intervention. Je vais parler à quelqu'un qui est souffrant. Ça fait plus d'une semaine que tu es alité ou tu es à l'hôpital. Tu veux invoquer le nom du Seigneur. Il est capable de te guérir. Il est capable de te tirer de cette maladie. Les médecins peuvent diagnostiquer. Mais Jésus n'a pas encore dit les derniers mots. David a écrit ce psaume pendant qu'il était malade. Ça nous montre qu'on peut être chrétien, on peut être même homme de Dieu, serviteur de Dieu, mais parfois Dieu peut permettre qu'on tombe malade. Mais David confesse ses péchés à Dieu et demande de les guérir. Ça suppose qu'il a senti qu'il avait fauté et la maladie est venue. Parce qu'il faut dire que certaines maladies sont la conséquence du péché. Lorsque nous sommes malades, tout notre être peut être affecté, le corps et l'âme. David dit, « Éternel, aie pitié de moi, guéris mon âme, car j'ai péché contre toi. » Dans l'Ancien tout comme dans le Nouveau Testament, la Bible nous montre qu'il existe souvent un lien entre la maladie et le péché. Dieu s'est révélé à Israël sous le nom de Yahvé Rapha, c'est-à-dire le Dieu qui guérit. Vous trouvez ça dans Exode 15, 26. Il dit, « Je suis l'Éternel qui t'ai guéri. » Cependant, cette promesse était conditionnelle. Dieu dit, si tu obéis à mes commandements, il y a une condition. Je ne te frapperai pas des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui t'ai guéri. Donc, la promesse de la guérison, elle est conditionnelle. Israël devrait écouter sa voix et lui obéir. Ceux qui prennent, par exemple, la Sainte-Seine sans s'examiner peuvent être frappés des maladies, même des morts. Nous montre 1 Corinthiens 11, 30. Jézabel, cette femme d'Akab, qui a poussé son mari et tout Israël à adorer Baal, a mal fini. Elle a subi le jugement de Dieu. Elle a été jetée dans un lit. Jézabel, dont nous parle Apocalypse 2, verset 22. On dit, cette femme qui se disait prophétesse, qui était là pour enseigner et séduire les serviteurs de Dieu pour les faire tomber dans l'impudicité. Dieu dit, je vais la jeter dans un lit de maladie. Et je vais frapper des morts, même ses enfants. Vous voyez, vous trouvez ça dans Apocalypse 2, 22. Jacques nous exhorte de confesser nos péchés pour être guéri de nos maladies. Jacques 5, 16. Si tu te rends compte que la maladie dont tu souffres a pour origine un péché, il faut le confesser. Surtout le confesser devant un homme de Dieu qui va prier pour toi. Mais nous devons dire qu'il faut être équilibré. Je ne vais pas affirmer par là que toute maladie vient nécessairement du péché, non. Il y a des maladies que Dieu permet comme une épreuve. Par exemple, le cas de Job. Job était frappé d'une maladie. Il n'a pas péché, mais c'était une épreuve. Nous voyons le cas de l'apôtre Paul. Il a été malade. Il était frappé d'une écharde. Et il a prié. Dieu lui dit, « Ma grâce te suffit. » Timothée, à qui Paul a dit, « Je te conseille de boire un peu de vin. » C'était un homme de Dieu. La Bible ne dit pas qu'il a péché. Donc, nous avons des situations d'épreuve, parfois, que Dieu permet. Mais il est capable toujours de nous guérir, de nous délivrer. Troisième vérité, nos ennemis se réjouissent de notre malheur et nos proches peuvent nous trahir. C'est une vérité que nous devons savoir. Je vais dire à quelqu'un, quand tes ennemis apprennent que tu as été licencié, quand tes ennemis apprennent que ton mari t'a fui, il y a des gens qui sont contents, ils disent c'est bien. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Au temps de David, il a connu ça. Même Jésus a connu ça. Lorsque David était malade, il révèle dans ce psaume l'attitude de ses ennemis. Il souhaitait sa mort, verset 6. Il dit, quand mourra-t-il? Il arrive très souvent que nos ennemis répandent les rumeurs de notre mort. C'est leur stratégie, c'est-à-dire c'est leur souhait. Quand tu entends par exemple quelqu'un venir te dire, oh, il semble, on raconte que tu as fait un accident, alors que c'est faux. C'est la stratégie des sorciers, des gens du mysticisme. Ça veut dire c'est ce qu'ils souhaitent. Ils commencent à répandre des mauvaises nouvelles. Et quand tu entends de telles choses, il faut prier pour condamner ça et annuler ce qu'ils comptent, ils préparent. Ils disent aussi, ils viennent les rendre visite, mais avec des mauvaises intentions. David dit, ils viennent pour trouver des sujets de médisance. Nous devons donc parfois faire attention. Tous ceux qui viennent nous rendre visite, quand nous avons des problèmes, même quand on est éprouvé, ne viennent pas nécessairement pour nous traduire leur compassion. Il y a des gens, quand ils viennent, c'est pour trouver des sujets de médis. Ils vont commencer à raconter. Il est comme ça, on a vu ça, on a vu ça. C'est pourquoi il faut avoir le discernement. Ils affirment que David ne se relèvera plus de sa maladie, car il est dangereusement atteint, au verset 9. Et ici, nous voyons que même son plus proche, il dit, c'est lui avec qui j'ai mangé. C'est celui-même qui a tourné son talon contre moi. Et ça, c'est sur le plan historique, ça se rapporte à la trahison que David a connue. Il y a son plus proche conseiller, Achitophel, son conseiller le plus proche, qui s'est allié à son fils Absalom, qui a tenté de le renverser. Vous trouvez ça dans 2 Samuel 15, 31. Et sur le plan prophétique, le même passage se rapporte à Jésus, le Messie, qui a connu la trahison de Judas Iscariote. Vous trouvez ça dans Jean 13, 18. David est un type de Christ et Achitophel est un type de Judas Iscariote. Ne soyons pas étonnés et surpris lorsqu'un ami proche, un parent, un fils, un frère, une cousine nous trahit. Si Christ l'a connu, nous ne serons pas épargnés, mais nous devons nous confier en Dieu. David se confie en Dieu en ces termes. Il dit « Toi, Éternel, aie pitié de moi et rétablis-moi ». Cette prière de David fut exaucée, car les coups de force d'Absalom, son fils, se solda par un échec. Il affirme que Dieu l'a soutenu à cause de son intégrité. Verset 13. Être intègre ne signifie pas être parfait. Ici, le mot intégrité voudrait dire sincérité, confiance, humilité. Nous pouvons imiter une telle prière aujourd'hui en demandant à Dieu de nous rétablir dans nos fonctions, dans nos droits. Il peut rétablir les épouses abandonnées par leur mari. Il peut rétablir ceux qui ont été licenciés abusivement. Il peut rétablir ceux dont les affaires sont tombées en faillite. Mais nous ne devons pas imiter la deuxième prière de David, celle qu'il a faite au verset 11. Car Christ nous a enseigné de ne pas rendre le mal pour le mal. Si David a cherché à se venger de ses ennemis, Christ par contre a prié en faveur de ses ennemis et il a manifesté la compassion pour le malheur qui allait frapper Jérusalem. Nous trouvons ça dans Luc 19, verset 41. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons le louer, chantons ce cantique. Azalin zambi, azalin. Alléluia. Notre Dieu est merveilleux. Il est bon. Quand bien même les hommes peuvent nous abandonner, mais lui ne peut pas nous abandonner. C'est pourquoi je vais te demander d'élever ta voix, de bénir son Saint-Nom. Amen. Je rappelle que nous sommes à notre émission de prière OSB, Opération sur la brèche. Nous prions en nous inspirant des Saintes Écritures. Et aujourd'hui, le texte de base, le psaume 40. Et je voudrais en profiter pour dire, ceux qui aimeraient approfondir la prière par les psaumes, nous avons écrit une série de livres. Priez avec les psaumes qui est disponible au kiosque des Fréquences Vie. Ça peut vous aider à entrer en profondeur de la prière avec les psaumes. Nous allons prier le Seigneur. Prions pour les nécessités qui sont autour de nous, pour que Dieu nous donne l'occasion de partager avec eux nos biens. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Nous sommes dans la joie ce matin parce que nous sommes dans ta présence. Très tôt le matin, nous nous levons et nous prions pour tous ceux qui nous écoutent. Merci Seigneur parce que tu nous encourages à s'occuper des pauvres, à visiter les pauvres, les prisonniers, à aider les orphelins, les veuves. Car tu dis dans le livre des Proverbes, celui qui s'occupe des pauvres prête à l'Éternel. Nous voulons te prêter en aidant ces pauvres. En visitant ces pauvres, en soutenant ces pauvres, en les aidant à pouvoir s'intégrer, s'insérer dans la société, en les aidant, en les accompagnant spirituellement. Nous avons besoin de toi. Ce sont aussi tes enfants qui manquent de moyens financiers, matériels. Tout ce qu'ils ont, Seigneur, ne suffit pas pour s'occuper de leur propre famille et d'eux-mêmes. C'est à l'église, c'est aux frères et sœurs, c'est pourquoi ils sont dans nos milieux. À l'église, dans nos familles, nous devons avoir cet esprit de partage, cet esprit de communion, cet esprit d'amour, l'amour agapé, l'amour filial, notre Dieu, notre Père. Nous t'en supplions, nous avons besoin de toi. Aide-nous à ne pas fermer les yeux devant les pauvres, devant les orphelins, devant les veuves, devant ceux-là qui crient vers toi, qui ont besoin d'aide. Aide-nous, Seigneur, car c'est à cela que tu nous appelles à manifester la libéralité, la générosité. Merci, Père, parce que tu vas le faire, tu vas nous aider à le faire au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons prier pour les frères et sœurs qui sont malades, afin que Dieu les fortifie, qu'il fortifie leur foi, qu'il leur accorde la guérison. Et si ils ont péché, qu'ils soient pardonnés, que Dieu les pardonne au nom de Jésus. Sur la brèche, la force dans la prière. Seigneur, ce matin, nous venons à toi parce que tu es notre Dieu et notre Père. Tu es notre conseiller, notre appui. Tu nous instruis, tu nous aides, tu combats pour nous, tu nous délivres. Et ce matin particulièrement, nous voulons prier pour tous ceux qui sont alités, tous ceux qui sont fatigués, tous ceux qui sont malades, tous ceux qui ont les défis de santé. La Bible dit que tu envoyas ta parole et ta parole est guérie. Par la maîtrise de Jésus-Christ, tu as guéri. Jésus-Christ, par sa mort et sa résurrection, a détruit toutes les œuvres de la maladie dans notre corps. C'est pour cela que je déclare que tous ceux au son de notre voix ce matin qui souffrent d'une quelconque maladie, que cette maladie les libère au nom de Jésus-Christ, quel que soit le temps et la durée de la maladie dans ce corps. Seigneur, dis un mot afin que cet esprit de maladie libère ce frère, que cet esprit de maladie libère cette soeur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, guéris au nom de Jésus. Touche la partie malade. Que quiconque met la main où il a mal, Seigneur, étends ta main et arrache cette maladie. Arrache mal. Libère tes enfants. Guéris tes enfants. Affranchis-les. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons prier pour combattre l'esprit de trahison, l'esprit de Judas, l'esprit d'Achitophel. Il y a beaucoup d'Achitophel aujourd'hui, même dans l'église, même dans le ministère. Donc, beaucoup d'Achitophel, même dans nos familles, il y a la trahison. Même au niveau national, nous devons prier pour chasser cet esprit de trahison. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Oh Seigneur, merci ce matin, parce que sans toi nous ne sommes rien. Nous sommes vulnérables, mais à cause de ton esprit, du sang de Jésus-Christ, les anges qui veillent sur nous, Seigneur, nous avons foi que celui qui nous a touché les prunelles de tes yeux. Combien de fois nous souffrons dans nos églises, dans nos familles, dans nos ministères, dans nos conseils des Judas, pour trahir, pour tromper, pour utiliser la ruse, le mensonge, faire tomber le pasteur, l'éjecter. Ô Seigneur, viens au secours de ton peuple, viens au secours de tes serviteurs. Partout on n'a plus confiance, parce que la politique est entrée dans l'église. On veut prendre la place de l'autre, il faut utiliser tous les moyens pour pouvoir éjecter, pour pouvoir faire du mal. Nous crions vers toi que ces œuvres, ô notre Dieu, notre Père, soient vouées à l'échec parce que le Seigneur a livré en spectacle les œuvres du diable et c'est suppos que ces œuvres de la trahison, du mensonge, de la tromperie, de la ruse soient vouées à l'échec et que tes serviteurs soient protégés, les maris soient protégés, les femmes soient protégées. Tes enfants soient protégés. Même les Judas, les non-chrétiens sont rentrés dans l'église. Ils veulent faire du mal. Les envoyés d'esprits, des médiums sont rentrés dans l'église. Viens au secours, au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, c'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. La joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, faisons.